Doublette suivante, j'ai déjà donné la semaine dernière, donc je vais m'abstenir d'un nouveau jeu de mots bien pourri, Montagne et Gravity, deux formations qu'on a rentrées il y a quelques semaines dans l'émission. Montagne tout d'abord, on est sur du post-metal pour hardcore de région parisienne, troisième EP qui vient juste de sortir. C'est hyper puissant et hyper prenant. Il y a même des inspirations qui nous perdent un peu musicalement, mais ça rajoute à toute la lourdeur et l'efficacité de ce nouvel EP de Montagne. Gravity ensuite, groupe de Modern Death qui nous vient de Montpellier, actif depuis une douzaine d'années. Ça va même chercher dans des influences Melodeath et Metalcore. Grosse inspiration Gojira et Meshuggah même. À noter, la vocaliste, bien riche en termes de capacité vocale. C'est à la fois colérique et à la fois des lignes vocales en chant clair, qui passent ou qui passent pas, hein, selon les coups et les douleurs. Mais ça nous rend un ensemble tout à fait efficace. Montagne au centre tranquille du malheur, extrait de l'EP Poudreuse. Gravity, le morceau Dagon, extrait de l'album Momentum. C'est parti aussi. La doublette suivante, toujours dans l'aspect française, est ouverte avec un groupe qui a bénéficié d'un petit focus la semaine dernière. Diablation, excellente formation de black metal française. Du black emmené par le premier vocaliste Vicomte Arkhams, premier vocaliste de Seth, pardon, qui a notamment enregistré le cultissime Les Blessures de l'âme, parce que il était présent dans un groupe entre 1995 et 2001. Voilà, le premier album de Diablation, est sorti en 2021 chez Antique Records. Le second sort là tout juste chez Osmose. On est sur un black à même tendance symphonique, hein, ultra ultra classieux, théâtral même. On peut rapprocher ça un peu d'un anorexia nervosa en termes de rythme en plus. Athanatéos en doublette avec Diablation. Là, on est sur du death qui nous vient de Nantes. D'inspiration death ricaine un peu old school et étouffante à la sauce Nile et enfin les premiers Nile et Immolation, quelques petites influences par-ci par-là black et doom. On est même sur une thématique autour de l'empire gallo-romain et voilà de l'essor du christianisme. Très riche la doublette à venir. Diablation crépuscule doré, extrait de l'album Par le feu. Athanatéos ensuite. They are spreading the pestilence, extrait de l'album Cross Deny Glorify. C'est parti. just a constellation of judging. He prevailed those dissembling electric shades. For us up high, he's a geotic person, the empire. Constantly supporting the church, financially cutting privileges to clergy. Promoting Christians to high office. And return properties confiscating during the Great Mary's Second Time. La doublette suivante nous permet de faire le grand écart et de quitter l'aspect française avec tout d'abord Ed Surge's groupe qui nous vient de Troyes. On est sur du hardcore, hardcore metal, bah, plutôt vénère et bien rampant. Un petit EP 4 titres, à noter que Ed Surge's c'est surtout l'ex Uppercult avec quelques remaniements de line-up. Voilà, bien patate ce nouvel effort studio. Et ils seront en doublette avec du coup une formation internationale, les Japonais de Anthem. C'est une des formations les plus anciennes en termes de heavy metal au Japon avec Loudness. Le groupe a vu le jour en 1981. Et ils sortent là leur tranquillement 19e album studio. Voilà, on est sur du heavy bien dynamique, limite parfois power. Voilà, c'est toujours ultra tubesque et c'est pas non plus la facilité. Et le chanteur qui est dans la soixantaine reste très très très convaincant sur ses lignes vocales. La doublette est présentée, Seconde Naissance, le titre de Ed Surge's, extrait de l'EP Swear Your Demise. Anthem, ensuite le titre Snake Eyes, extrait de l'album Crimson and Jet Black. My demon! Ah! Pour la doublette suivante, on a droit encore à une petite nouveauté. Tout d'abord, Pestifère, le groupe de Tech Death qui nous vient donc de Belgique, originaire de Liège plus précisément. C'est un nouvel EP qui vient de sortir chez DB Murmorty, voilà, le label français. Pour la faire simple, le groupe est actif donc depuis 2014 et trois albums ont vu le jour, notamment du côté de Xenocorp. Là c'est donc un EP, 5 titres pour 25 minutes, un Tech Death bien old school avec une basse qui ressort magistralement. Un ensemble plutôt agressif, Tech Death dans le sens efficace mais pas démonstratif. On peut aller chercher du côté des vieux albums de Death, Pestilence ou autres Nocturnus, avec une place voilà, cependant bien accordée au passage et aux séquences plus atmosphériques. Le groupe sera en doublette avec The Evil, le groupe de Occult Doom qui nous vient du Brésil. A noter dans le line-up le membre des mythiques Sarcophago, Wagner Antichrist. Hein. The Evil, on est sur du riff de mammouth autour du thème des 7 péchés capitaux. C'est lyrique, un peu grandiloquent, et du coup on a vraiment l'impression que les compos musicales prennent vie quand on les écoute. Un vrai plaisir ce petit album de The Evil. Niveau présentation des titres, Pestifère Subterranean, extrait de l'EP Defeat of the Nemesis. The Evil ensuite, Voracity, extrait de l'album Seven Acts to Apocalypse. Et let's go. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On approche tranquillement de la fin de l'émission d'aujourd'hui. Le temps de s'écouter tout d'abord un extrait du nouvel effort de Imen Holocaust, formé par des membres de Click Eater. La formation hollandaise a d'ailleurs annoncé sa retraite, a préparé quelques apparitions encore live sur des dates bien choisies. L'occasion donc de réveiller Imen Holocaust, excellent nouvel effort studio, au passage une sortie Rotten Roll Rex, ça fait un moment qu'on n'avait rien eu de ce côté-là. The Death King, on s'écoutera le titre Problem Attic, et en doublette une nouveauté tunisienne, Ayour. C'est du black, actif depuis 2007, c'est vraiment leur tout premier effort studio longue durée, après quelques EP par-ci par-là. La Tête Pensante est donc basée en Tunisie depuis 2017, et c'est monsieur Chakzoul de Manzer qui a fait les sessions batterie sur cet album. Toujours dans les beaucoup, on est sur un black atmosphérico-mystique, un peu dark ambiant, un peu black net doom, avec une ambiance plutôt malsaine et pesante, avec des passages bien brutales, quand il le faut, bien brutaux d'ailleurs, pardon. Voilà la présentation pour Ayour, Imen Holocaust, les présentations sont faites, Ayour, Putrid Progeny, extrait de l'album Prevail, et sans surprise ça sort sur le label Armée de la Mort Record, le label de Sir Chakzoul, c'est parti. Come on. Allez, c'est l'heure de se dire au revoir avec un tout dernier groupe, Smallpox Aroma. Ça nous vient d'Asie, plus précisément de Thaïlande. On est sur du grindcore bien vénère, actif depuis 2006, et puis après toute une série de split, EP, compil, etc., etc. C'est leur premier véritable album, 13 titres pour 17 minutes, il y a toujours ce petit grain de folie made in l'Asie du Sud-Est, hein, avec dans les inspirations Mago de Grind, des Zoom et autres... Premiers albums de Rotten Sand, un petit trio, le même depuis le début, soit il y a plus de 15 ans, et ça arrache bien comme il faut, Smallpox. Au niveau de la musique, on va s'écouter une doublette pour clôturer, Eternal Burrow, enchaîné à Inherited Ritual of Savagery, extrait de l'album Festering Embryos of Logical Corruption. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, bonne fin d'écoute dans l'émission d'aujourd'hui, et rendez-vous la semaine prochaine, ciao ciao.